France de... Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller en ce mercredi 10 juin avec France Culture et Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Dans un instant, notre tête chercheuse de la semaine, le sinologue Renaud de Spence, continue sa série pour nous raconter la Chine d'aujourd'hui, la culture dans la Chine pop d'aujourd'hui. Et puis en deuxième partie, un metteur en scène, Mehdi Sharef, dont le dernier film, Gradiella, est sorti la semaine dernière et qu'on a vu dernièrement, qu'on a beaucoup aimé, Gradiella, avec Rosie de Palma, Denis Lavant et Claire Nebout. On en parlera tout à l'heure, aux alentours de 6h20. Mais tout de suite, c'est notre tête chercheuse qu'on retrouve, Renaud de Spence. La culture pop chinoise n'existe pas avec le sinologue Renaud de Spence. Aujourd'hui, troisième épisode, on va parler de musique. Et est-ce qu'on peut, une fois de plus, rappeler le titre « La culture pop n'existe pas » Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de rock star dans la Chine populaire d'aujourd'hui, de rappeur, de chanteur, même dans le style purement chinois? Eh bien, c'est pratiquement ça. Évidemment, il en existe hein, sur toute l'échelle de la Chine. Mais c'est pratiquement ça. On a des stars, on a des pop stars. Ces pop stars, en général, ne sont pas chinoises. Elles peuvent être chinoises de Taïwan, on en a beaucoup. Chinoises de Hong Kong. Vous en avez beaucoup maintenant qui viennent de Corée ou du Japon. Mais vous avez très peu de pop stars chinoises. Alors, peut-être est-ce parce que finalement, si on se penche sur notre système à nous, comment a été créé notre système de vedettariat en Occident? C'est probablement les maisons de disques qui sont à l'origine de ça, en promouvant leurs nouveaux chanteurs, leurs nouveaux musiciens, en leur faisant un plan média, un plan presse, en les faisant passer à la télévision, à la radio, en faisant qu'ils monopolisent l'actualité. Or, en Chine, l'actualité est monopolisée par l'État. Donc, ça ne peut pas aller de la maison de disques à la télévision. Ça va uniquement être la télévision qui va pouvoir rendre des gens populaires. Et comme la télévision est une industrie qui ne se focalise pas sur, par exemple, les chanteurs ou sur la musique, il y a plein d'autres choses à présenter. Du coup, il ne crée pas probablement ce star system. Donc du coup, vous avez des énormes stars. Alors on pourrait parler de, dans les 70, il y avait celle qu'on entend toujours quand on va manger des... entre guillemets, des nems dans un restaurant chinois à Paris, c'est Teng Lichun de Taïwan. Et vous aviez, dans les années 90, Wang Fei de Hong Kong, alors connu de tout le monde, hein, tout le monde. Aujourd'hui, ce qui pourrait se rapprocher de vedettes populaires, de Chine populaire, ce sont des talents découverts grâce à des émissions qui imitent celles qu'on a chez nous, donc qui imitent des télécrochés. Donc là, vous avez quelques noms qui ont émergé de ça. Mais Il y a un marché de la musique, il y a des disques, ça se voit par Internet. Oui, alors évidemment, un marché qui n'a jamais été un marché, enfin qui a toujours été un marché aussi où tout était accessible gratuitement, hein, en piratage ou en MP3. En parlant de culture populaire, on peut dire qu'il y en a, que c'est difficile de la distinguer. En revanche, si on parle de culture souterraine, de culture underground, oui, évidemment. C'est-à-dire que vous avez des rockers. Vous en aviez beaucoup, surtout dans les années 80. On dit que la révolution avortée de 1989, Tiananmen, a été faite au son d'un rocker qui s'appelait Sui Tian, qui était extrêmement connu. Là, il commençait à être comme une pop star. Mais depuis, il n'y en a pas. En revanche, il y en a qui sont connus des initiés. Vous avez des festivals, vous avez... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quand même extrêmement vivace. Vous allez dans n'importe... C'est pas toujours extrêmement talentueux, mais vous allez dans n'importe quel café à Pékin, le soir ou l'éveil de week-end, vous allez avoir des petits groupes qui viennent. C'est un peu la fête de la musique tout le temps dans certains endroits. Mais est-ce qu'il y a des radios privées en Chine ? Pas de radio privée. Il n'y a pas de médias privés. Donc c'est la radio étatique. Que passe comme musique la radio étatique ? Alors, il passe Carla Bruni. Par exemple, vous parliez de musique populaire. Je me suis posé la question. Oui, effectivement, il y a des choses intéressantes, il y a des choses amusantes. Bon. Et puis, ils vont passer la pop quand même coréenne, taïwanaise, hongkongaise. Alors, pourquoi ? Parce qu'à Hong Kong, à Taïwan et même à Séoul, il y avait une industrie du disque, voilà. Un marché du disque. Et c'est ça qui explique pourquoi les stars populaires, entre guillemets, viennent de ces pôles économiques. Oui, tout à fait. Et de plus, comme il n'y a pas la censure, c'est-à-dire que vous chantiez bien ou mal, vous pouvez toujours sortir un petit scandale, une histoire de fesses ou n'importe quoi pour faire remonter la renommée de votre... Ou un texte, par exemple, un texte un petit peu licencieux pour faire monter la renommée de vos chanteurs, alors que ce n'est pas possible en Chine. Et dans la Grande Chine, la Chine continentale, il n'y a pas eu cette envie d'adapter ce modèle pour pouvoir effectivement lancer des... La Chine est un inculturel. Si l'on compare par exemple au Japon, il n'y a pas de raison que le Japon ou la Corée aient plus de meilleurs chanteurs que la Chine. Et de manière technique, elle n'en a pas. Hein. L'opéra chinois, y compris l'opéra occidental en Chine, a de très très belles voix. Donc c'est uniquement un problème politique. Alors, puisque vous parliez d'opéra, Renaud de Spence, qu'est-ce qu'on peut voir à l'opéra de Pékin ? Alors, on peut voir plein de choses. Ce qui est très intéressant, alors quand on dit l'opéra de Pékin, il faut aussi distinguer parce que il y a deux termes. Il y a ce qu'on appelle l'opéra de Pékin, c'est un genre traditionnel comme ça, chinois. Et puis l'opéra de Pékin, c'est aussi une structure. La bâtisse, ouais. Voilà, ce qu'on appelle l'œuf, là, qui a été construit par Paul Andreu, et qui est, alors là, c'est, moi j'y ai travaillé plusieurs années, c'est époustouflant là-bas, c'est extrêmement intéressant. Déjà, c'est une création il y a 6-7 ans, avant ça n'existait pas, hein, sous l'impulsion d'une maîtresse de l'ancien dirigeant de la Chine, donc c'est une sorte de caprice. En même temps, c'est juste en face de l'Élysée chinois, donc juste en face du pouvoir, donc c'est extrêmement lié au pouvoir, et c'est un défi énorme. Vous imaginez si nous, en France, on créait un opéra chinois avec des chanteurs français, Imaginez la difficulté. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Alors évidemment, il y avait quelques traditions avant, mais elles avaient été pratiquement rompues. Hein, beaucoup avaient été rompues. Ils ont créé comme ça cette usine à production culturelle qui fonctionne comme une usine, ouais. Et ils font venir donc depuis 5-6 ans très régulièrement plein de metteurs en scène, de chanteurs, d'artistes étrangers dont ils essayent d'apprendre le maximum. Ils commencent maintenant à avoir véritablement des choses intéressantes. Vous voulez dire qu'il y a des chefs d'orchestre du monde qui viennent s'installer à Pékin pour diriger l'orchestre de l'opéra de Pékin ? Comment ça se passe ? Oui, alors ils viennent s'installer, en général c'est pour 3 mois. Hein. Vous avez quelques postes de permanents, pas beaucoup. Maintenant, il y en a de plus en plus qui veulent venir. Hein, et donc ils font la démarche d'aller venir, parce que comme vous le savez, l'opéra dans le monde, notamment en Italie, c'est complètement catastrophique en raison de la baisse des financements publics. Or, en Chine, il y a encore pas mal d'argent pour ça. Mais au début, ils sont allés vraiment les chercher. Donc, ils ont pris, sans trop connaître, hein, ils ont pris les têtes d'affiche. Ils sont allés négocier des cachets, qui en général n'étaient pas absolument mirifiques, parce que c'était un peu au niveau chinois. Et en général, donc, les artistes qui sont allés travailler là-bas, c'était aussi pour... comme un investissement pour découvrir le marché, pour avoir une aventure, une expérience. Mais là, vous parlez de musiciens ou vous parlez de... Mais de tout, de tout. Aussi bien les dirigeants, les chefs d'orchestre... De tout, que... j'ai été, par exemple, assistant en français pour 3 productions de Carmen et une du comte d'Hoffmann. Et c'était, vous aviez à la fois le metteur en scène qui était américain, vous aviez les costumiers qui étaient allemands, vous aviez des chanteurs français, italiens, turcs, qui venaient du monde entier. Donc, Mais il y avait aussi des musiciens chinois qui étaient dans son répertoire. Voilà, donc les têtes d'affiche sont étrangères. Et la plupart des musiciens sont chinois. La plupart du chœur aussi sont chinois. Et en général... Qui ont eu donc un cursus classique. Qui ont eu un cursus classique. Et en général aussi, ça c'est typique des productions à Pékin, c'est que, par exemple pour l'opéra, vous avez 2 équipes. Une équipe qui joue 1 jour sur 2. Une équipe dont les rôles principaux sont étrangers. Et une autre équipe où les rôles principaux sont chinois. Et comme les répétitions ont lieu ensemble, si vous voulez, c'est comme ça aussi que les chanteurs chinois, enfin les meilleurs, les vedettes, apprennent avec donc les chanteurs étrangers. Et ensuite, ils font leur représentation tout seuls. Pour une programmation standardisée, c'est-à-dire on peut voir à l'Opéra de Pékin ce qu'on peut voir ici, à l'Opéra de Paris ou à la Scala de Milan ou... Alors, ouais. elle est pas entièrement standardisée parce qu'il y a quand même la censure. Ouais. Par exemple, pas de thème religieux. Hein. Et si on prend l'exemple de Carmen, qui en plus... Carmen aurait dû ne pas être produite parce que c'est au niveau de la censure chinoise actuelle, c'est trop licencieux. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est une histoire intéressante, Carmen a été le premier opéra montré en Chine après la fin de la révolution culturelle. Et donc, tous les Chinois connaissent l'ère du Toréador, par exemple. Et donc, c'est parce que ça s'est établi comme ça, comme classique, il y a même eu une version chinoise. Et c'était le premier opéra qui sortait, vous savez, pendant la Révolution culturelle, il y avait 6 opéras uniquement qui avaient été décidés par l'épouse de Mao, etc. Vous aviez extrêmement peu d'œuvres culturelles. C'était le premier. Et donc ça a été tellement connu dans la psyché chinoise aujourd'hui que Carmen est et c'est obligatoire pratiquement chaque année à l'Opéra de Pékin. Et si on parlait maintenant de la musique traditionnelle, Renaud de Spence, est-ce qu'elle est toujours présente, préservée dans la Chine d'aujourd'hui? Malheureusement, plus trop. Ça vieillit énormément. Les jeunes, en général, ne sont pas du tout intéressés. C'est un hobby de vieux. Alors, en revanche, c'est encore vivace. Vous allez dans n'importe quel parc de Pékin ou même beaucoup d'autres villes, le samedi matin ou le dimanche, vous voyez des vieux qui chantent et certains chantent des airs d'opéra. C'est une culture qui est très très complexe, qui est c'est encore entre guillemets pire que notre opéra à nous, c'est-à-dire que c'est pas forcément naturel. Il faut vraiment, pour apprécier, il faut beaucoup de substrat culturel, d'habitudes, etc. Et c'est peut-être pour ça que c'est considéré comme malheureusement absolument ringard de la part de la plupart des jeunes, par exemple. La culture pop chinoise n'existe pas. On se retrouve demain pour le 4e épisode et demain on parlera de cinéma. Merci Renaud de Spence. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Est-ce qu'il y a encore l'air d'être femme? Vous êtes un Picasso. C'est bien. C'est beau. Il t'a parlé? Fais gaffe à lui. Il te ressemble. C'est la première fois qu'un homme te met en vrac? Avant, je me sentais floue. Pourquoi t'as buté ton vieux compte-père? J'ai une chambre et un boulot pour toi, sans borne. Et lui? Tu veux quoi? Une arme. Et mon invité du jour, Mehdi Sharef, cinéaste, bonjour. Bonjour. Gradilla, c'est le titre de votre dernier film. Gradilla, avec Rosie de Palma dans le rôle titre, Gradilla était infirmière et danseuse le soir. C'était il y a 20 ans, une autre vie, c'était avant le drame, avant la prison. Quand on fait sa connaissance au début du film, elle est déjà abîmée par la vie carcérale et s'apprête à retrouver la liberté. Et en liberté provisoire, elle rencontre un autre détenu, tout aussi abîmé qu'elle, un ancien projectionniste. Entre ces deux, une histoire d'amour est peut-être envisageable, mais tous les autres autour d'eux, les habitants du village où ils ont vécu, sont-ils prêts à oublier les crimes commis par les deux protagonistes? Eh ben non, le film ne raconte pas seulement la difficile réinsertion des anciens prisonniers, mais il montre l'impossibilité pour eux d'avoir une seconde chance. Diriez-vous la même chose, Mehdi Sharef? Oui. Quand j'apprenais à écrire, à lire et écrire aux détenus, il y a quelques années à Lamavo, parce que je voulais écrire des scénarios très courts. Oui, c'est eux. Vrai que vous êtes intervenu pendant une année dans une prison du Val-d'Oise pour des ateliers d'écriture. Quand on est en prison, et donc quand je sortais, ceux qui faisaient des longues peines, qui étaient âgés, je me demandais toujours si quelqu'un les attendait. Pourquoi? Parce que j'en ai vu deux sortir. Et voilà, il sortait. Et puis quand je revenais en cours quelques jours plus tard, j'en ai vu un qui traînait autour du parking de la prison. Il n'arrivait pas, j'ai trouvé ça m'a un petit peu fait peur quand même, ce type qui revenait tourner autour de la prison comme si c'était chez lui, qu'ailleurs il n'y avait plus personne dehors. Et j'en avais vu un autre aussi j'avais même peur qu'il fasse une connerie pour pas y retourner, parce que je me demandais toujours si quelqu'un les attendait dehors, et ceux qui sortaient, est-ce que ils pouvaient est-ce qu'ils pouvaient encore aimer ou se faire aimer, c'était ça. Est-ce qu'ils pouvaient encore aimer? Est-ce qu'ils n'étaient pas trop cassés, trop brisés? Elle dit dans le film, je crois qu'elle dit broyé. Oh, ce qui me trouble toujours moi, dans ça, c'est que les gens oublie complètement ce que le type ou la femme ont été avant. Ça m'emmerde terriblement. C'est à partir du moment où il y a eu ce crime ou ce délit, c'est comme s'ils étaient nés là. Merde, ça a été des enfants qui voulaient être heureux, qui voulaient, je sais pas moi, qui voulaient s'amuser, qui voulaient avoir des, qui voulaient se marier, qui ont travaillé, qui ont bossé, qui ont aimé, qui ont secouru d'autres gens, ça se trouve. Et puis un jour, ils font une énorme connerie et on sait plus ça. C'est ça qui m'énervait, moi, quand j'étais en tôle. Où j'ai souffert le plus terriblement de ça, de ce qu'elles sont devenues, c'était quand je suis allé dans les prisons de femmes. Là, on le voit plus que sur les hommes. Les hommes, ils friment dans les couloirs, parce que il y a de la baston, il faut pas se montrer faible et tout. Les femmes, non, elles restent pareilles qu'avant. Et quand elles regardaient ce que je leur projetais comme film et qu'on discutait après, des fois, j'écoutais même pas ce qu'elles disaient. Elles me parlaient cinéma, parce qu'elles parlent cinéma. Elles ont vu des films avant. Elles connaissent le cinéma, elles connaissent le nom des metteurs en scène, les acteurs. Et moi, je ne pensais qu'à ça. Et l'autre sujet porté par cette histoire d'amour, cette impossibilité de réinsertion et donc d'envisager une histoire d'amour, c'est quand même la responsabilité de la société, puisque vous montrez qu'autour de ces personnages, de ces protagonistes qui s'apprêtent à quitter la prison, ils vont avoir toutes les peines du monde à se faire pardonner, parce qu'ils sont condamnés à vie par la société. Oui, ben on a l'impression que oui. C'est ça aussi ça me choque aussi, quoi. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'il leur faut une double peine, une triple peine. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est que Antoine et Graziella, à un moment, il sait qui elle est sans lui avoir demandé, parce qu'on apprend toujours par les autres. Mmh. Et elle aussi, elle apprend ce qu'il a fait ou ce qu'il est à travers les autres. Elle se rapproche de lui. Parce qu'elle commence à être attirée par ce personnage, et lui aussi, même si il le montre pas au début, c'est que je voulais savoir si lui, maintenant qu'ils se connaissent, maintenant qu'ils sont habitués à travailler ensemble, qu'ils se voient tous les jours, peut-il y avoir autre chose? C'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il leur reste autre chose? Est-ce qu'il leur reste encore l'envie de, je sais plus, je crois que c'est Johnny Hallyday qui chantait, avoir l'envie, de l'envie, c'est encore avoir des envies ou des désirs, et je me suis rendu compte qu'ils en avaient encore. J'aime pas le mot espoir, qu'ils avaient encore des sentiments et que tout n'était pas mort, tout n'était pas broyé. Vous savez, il y a des fois quand on se balade dans Paris, là, il y a que du macadam, du béton, puis d'un seul coup on voit une fleur, on se dit comment elle est sortie de ce béton, de ce truc. Elle a cette force extraordinaire d'une toute petite tige avec trois feuilles qui a crevé le béton, Et c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est qu'on, quand on a quelque chose, folle envie de vivre, on y arrive. Il y a un moment, ils commencent à se parler. Et puis, ils vont vers des trucs terribles, mais parce qu'ils ne peuvent aller que là. C'est ça, punaise. J'aurais bien voulu, moi, qu'ils aient pas la rue d'être. J'aurais bien voulu qu'ils aillent ailleurs pour se faire un peu d'argent ou ce. Mehdi Charef, pour revenir un peu au cinéma. Oui, oui. Il y a. Non, cinéma. Antoine. Antoine était projectionniste, oui, avant d'être arrêté, et il voue un culte pour un film d'Ettore Scola, Une histoire particulière, oui, qui raconte l'histoire de deux marginaux qu'une foule en délire portée par le fascisme va rejeter. C'est-à-dire le personnage de l'homosexuel, interprété par Marcello Mastroianni, mais aussi le personnage de la femme, Sophia Loren. Incarné par Sophia Loren. Et c'est comme si vous suggériez, à travers ce parallèle, que vos deux personnages, Antoine et Graziella, sont un peu comme Marcello Mastroianni et Sophia Loren dans Une journée particulière. Ils sont rejetés par cette société qui, elle-même, est... Ils sont rejetés parce que ce jour-là, il y a... Mais c'est audacieux, Hitler, comme parallèle. Ce jour-là, Hitler reçoit Mussolini à Rome. Et tout le monde y va. Parce et que pas le contraire, c'est bien de dire. Ouais. Ouais. Oui, c'est Mussolini qui reçoit Hitler. Oui, oui, mais bon, enfin. Oui. En Italie, et toute la ville y va, et il y en a deux qui vont pas, c'est cette femme et cet homme. J'aime pas analyser ce que je fais, parce que... Là, vous me preniez là, un petit peu dépourvu, parce que je voulais pas faire cette parallèle avec le film. Il y a un truc qui est incroyable qui m'est arrivé il y a à peine un mois. J'ai rencontré Ettore Scola, qui a vu le film. J'étais embêté. J'avais une trouille. Je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Il sortait en plus de la salle avec son épouse. Oh, yo, yo. Et puis il est venu. Il a pris sa, il a allumé sa cigarette. J'étais dans un coin. J'ai dit, pourvu qu'il est venu. Pas de quelqu'un à lui dire, c'est lui. C'est quelque chose quand même de voir au travers jusque-là. Il a aimé le film? Sa femme a dit, on trois images, en fait, les trois images que nous on porte, il y a tout le film des Toirés. Et lui, il avait l'air ému, hein. Mais Graziella, c'est le titre donc de votre dernier film, Hadi Sharef, pour terminer. On est en 2005. Vous voyez où je veux en venir? Comment? Non, cela fait 30 ans que vous avez commencé à faire ce métier, puisque le théorème d'Archimède, votre premier film, date de 1985. Oui, c'est ça. Vous avez aussi réalisé Miss Mona, Camomille, Au pays des Juliettes, La maison d'Alexina, c'est un film pour la télé, mais c'est un film, La fille de J'aime Cartoum, bien travailler pour Arte, oui. C'est Cartouche gauloise et Graziella. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez raconté l'essentiel de votre vie, de l'histoire qui vous a porté, qui a porté votre histoire personnelle, Hadi Sharef, entre l'Algérie et la France, entre la guerre et l'indépendance du pays? Est-ce que, entre tout ce que vous avez connu ici en France, puisque vous êtes arrivé très jeune, est-ce que tous vos films résument bien un peu votre vie? Oui, je pense, ça résume un petit... Moi, ce qui me... que je n'ai encore jamais pu comprendre, c'est pourquoi que tous ces films, il y a un prénom féminin. Ça, j'arrive pas à le trouver encore. Aussi bien même dans les livres, Alexina, Graziella, Au pays des Juliettes, Marilyn, Miss Mona. Ouais, et c'est ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à comprendre ou analyser. Je sais que tu viens de ma mère et c'est peut-être elle que j'ai envie de raconter dans les films. Ce qui manquerait, je pense que ce qui me manque, c'est peut-être que j'ai jamais fait le portrait de ma mère, Ça me manque. Dans un film ou dans un livre. Eh bien, en attendant votre prochain film sur votre mère, Hadi Sharef, je rappelle que votre dernier opus, Graziella, est au cinéma et c'est un film que je vous recommande vivement. Merci d'être passé ce matin, merci de nous avoir écoutés depuis 6 heures, en passant par le podcast disponible à la page de l'émission Notre jour est possible sur franceculture.fr. J'espère vous retrouver demain à la même heure.